Toi, tu veux me, yani, Zama, me faire embarquer. Déjà qu'on m'a débarqué des bateaux, la phytothérapie, halba, la phytothérapie. Shriti. Hada, c'est une bêtise. Oui, c'est bien pour les enfants. Excusez-moi, ça c'est... L'halba, madame. Pour le stress, pour ce corps, hyperglycémie, pour les gaz dans l'estomac. Le monsieur, il est en train de me faire de la pub, hein. Mais moi, je veux des clients, pas de la pub, mon poteau. Bon, moi, je te parle. À condition que tu m'achètes quelque chose. Ah, y'a Sidi. Il a t'arrivé le chaouis. Le douagara ou un dirti. Oh, c'est pas cher les figues. Attendez, je vous donne la pastèque d'abord. Vous savez, j'ai été chercher le messager parce que je savais que vous aimiez les pastèques. Alors, qu'est-ce que je vends? Moi. Il y a la caméra? Alors, moi, je ne suis pas marchand. Moi, j'ai fait des études dans la marine marchande en Algérie. L'Algérie est mal partie. On est venu ici, chez vous, en France, parce que on mange beaucoup de frites omelettes à la maison. On a beaucoup de mots en français. On a à peu près votre culture. On survit ensemble. Je n'ai pas de différence, moi, entre les humains. Aslang, ils sont gentils. Je vends de l'ail. Je vends des graines sèches, je vends des herbes sèches. Je ne suis pas marié, Wallou non plus. Là où je vais, on dit non. Ah, tu rigoles, toi aussi. C'est ce qu'elle a fait la dernière fois. Oh, on survit, monsieur, on survit. Parce que moi, je joue de la guitare, mais il me manque deux cordes. Il faut que je me les achète, les deux cordes de guitare sèche. Je joue du kabyle, je joue du chabi algérien, je joue un peu en anglais. Je joue un peu en français. Mais si seulement ces politiciens nous laissaient un peu en paix, nous donnaient un peu la chance de nous intégrer. Vous savez, moi personnellement, je pense que ici en Europe, enfin, c'est des sociétés valables. Mais finalement, quand on voit ce qu'il y a autour du pot... Les gens, ils sont fatigués. Surtout les gens de votre âge et de mon âge. Regardez, la jeune génération, elle est pratiquement perdue. Parce qu'il n'y a personne qui les conseille. Il n'y a personne qui les prend au centre de formation, ou là aux études, ou là, je ne sais pas moi, réintégration sociale. Pour ça, les pauvres, ils sont agressifs, ils tombent dans la drogue, ils tombent dans n'importe quoi. Ils ont compris que ça y est, il n'y a personne pour nous, il faut trouver les sous pour survivre. Et puis c'est tout. C'est dommage. Également, merci à vous, monsieur. Attention, si vous allez là-bas, attention, la pochette, le téléphone et tout. Hein. Ils sentent les naïfs, ils les sentent. Ils les sentent. Ils ont piqué pas mal de monde ici. Hein. Enfin, vous êtes mariés quand même, pas comme moi. Vous avez une femme. Et c'est très, très mignon, très, très mignon. Phytothérapie, madame. Les graines sèches, les herbes sèches. Elle est verte, mais elle ne veut pas de vert. J'y peux rien, moi. J'y peux rien.